Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de ce 5 juillet dont voici les grandes articulations. La facilitation dans la crise burundaise annonce ce mois de juillet comme nouveau rendez-vous de médiation. Au parti Sawanyafro de Bunyakuri, la facilitation devrait plutôt produire un rapport de ce qu'elle a déjà fait pour compléter à la Commission nationale de dialogue interne et au parti MRC Rurenzangemero. Ne pas honorer le rendez-vous de juin est plutôt de la responsabilité de Bujumbura. Environ 10 hectares de la réserve naturelle de Vianda, c'est en province Bururi au sud du Burundi, sont partis en fumée dans la nuit de ce dimanche. Le responsable de cette réserve appelle les riverains à la protection de cette réserve. Dans ce journal, également, nous vous parlerons de ce petit Jonathan Rukundo, victime d'un incendie au mois de janvier. Il est alité à Kira Hospital. Sa famille demande une assistance de plus de 40 millions de francs burundais pour sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Bonjour, page politique pour débuter ce journal. Le non-respect du rendez-vous fixé par le facilitateur Benjamin Mkapa dans le conflit burundais a été dû au fait que les deux parties opposées n'avaient pas été réunies en confrontation. C'est ce qu'explique Makocha Tembele, porte-parole du bureau du facilitateur. Makocha Tembele indique que le calendrier des futures activités sera fixé dans une rencontre organisée au niveau de la médiation dans ce mois de juillet. Je vous prie de le suivre. Il est traduit en français par Pascal Nyehunz. Le calendrier avait été fait considérant que les deux parties en conflit auraient déjà été réunies en confrontation. Mais cela n'a pas été fait afin de discuter sur toutes les questions essentielles. C'est pourquoi ce calendrier n'a pas été suivi. On a alors prévu des rencontres au niveau de la médiation dans le but de mettre en évidence toutes les questions qui causent problème. Des consultations se font encore chez le médiateur Yoweri Museveni lui-même. On compte se rencontrer vers la fin de ce mois de juillet. Nous attendons encore pour donner les informations nécessaires. Nous avons espoir que le processus évoluera tout en mettant les efforts ensemble, en essayant de surmonter les défis qui ont été à l'origine de ce retard. Nous sommes confiants qu'ils finiront par s'entendre. Nous appelons les deux parties à penser à l'intérêt du pays au lieu de prioriser l'intérêt personnel. Nous reconnaissons que la plupart d'entre eux sont des hommes politiques. Nous les connaissons, mais notre souhait est que l'intérêt du Burundi soit une priorité. Comme ça, on passera à la phase du développement de nos pays. Makocha Tembele, porte-parole du bureau du facilitateur. Il a été joint au téléphone par Ernest Pablo Badiouabo. Et pour le parti Sawanyafro de Bunyakuri, le facilitateur Mkapa devrait plutôt produire un rapport qui viendrait compléter le dialogue interne piloté par la CNDI. Kefani Bizi, président de ce parti, estime que le rendez-vous de juin n'a pas été respecté car, dit-il, la facilitation a invité des Burundais poursuivis par la justice burundaise et des partis politiques non reconnus. Suivez-le. Tout d'abord, nous estimons que le facilitateur n'a pas pu respecter sa date butoir parce qu'il a voulu inviter dans ce dialogue des personnes recherchées par la justice burundaise, mais aussi des partis politiques qui ne sont pas reconnus ici au Burundi. Et pour nous estimons que c'est une occasion maintenant de produire un rapport qu'il devrait transmettre au Burundi pour que ce rapport soit joint aux autres rapports produits par la CNDI et d'autres rencontres entre la classe politique pour que ce rapport nous aide à améliorer l'amendement de la Constitution, mais aussi à préparer la loi électorale pour 2020. Nous pensons qu'il devrait tout mettre en œuvre pour que ce rendez-vous soit le dernier rendez-vous pour qu'il produise un rapport final. Donc, nous sommes en train de faire un accord dans ce dialogue. Kefa Niwizi, c'est le président du parti Sahwanya Frodebu Nyakuri et du côté du parti MRC Runenzangemero que le rendez-vous de juin ne soit pas honoré par le facilitateur. C'est plutôt de la responsabilité du gouvernement burundais qui n'a pas manifesté la volonté réelle. Suivez Eric Nyangu Burundi, porte-parole de ce parti. Il est vrai que le facilitateur Mukapa avait déjà annoncé le mois de juin comme la fin du dialogue inter-burundais. Pour nous, donc, au MRC Runenzangemero, nous trouvons cela normal parce que c'était son vœu et c'était un souhait. Et pour tout individu ou organisation ou communauté nationale ou internationale écrit d'opé et se fixer un calendrier pour la clôture du dialogue inter-burundais, pour nous, c'est très normal. D'ailleurs, c'est un bon signe, c'est un réel engagement pour le retour rapide de la paix. Donc nous avons vu en lui une préoccupation et qui est fondée, qui est très logique. Lui prendre alors sur cette déclaration de clôture avec le mois de juin, et pour nous, c'est vraiment insensé. Et par ailleurs, ce n'est pas de sa responsabilité, parce que plutôt, c'est de la responsabilité du gouvernement de Bujumbura qui n'a jamais manifesté une volonté réelle pour amorcer ce dialogue proprement dit. Tantôt, il boycottait les sessions, tantôt, il refusait de s'asseoir avec les opposants sous prétexte qu'ils sont sous mandat d'arrêt international. Donc, nous disons qu'il faut donc lever toutes ces conditions, il faut qu'on parvienne à réaliser un dialogue inclusif où tous les partenaires clés dans le domaine politique puissent être invités. Donc, brièvement, nous inscrivons toujours dans le soutien de ce dialogue inter-burundais et qui est piloté par le facilitateur Mukapa. Et d'ailleurs, nous sommes même prêts à répondre à ces invitations. Et tout simplement, au cas où le gouvernement persiste en refusant ce processus, pour nous, ce serait un signe précurseur que le gouvernement veut se retirer de ce dialogue. Et ça sera dangereux parce que ça sera presque comme une déclaration de l'option de la force ou de la guerre. Eric Nyangu Burundi, c'est le porte-parole du parti MRC Runenzangemero. Après une courte pause, c'est la page sécurité de ce journal. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Il y a eu perquisition ce mercredi matin à la prison centrale de Gitega. Le commissaire provincial de la police à Gitega fait savoir qu'ils ont saisi 10 téléphones portables, dont 3 Android, une hache, 5 morceaux de fer à béton, une scie, une machette, 9 couteaux à des lecteurs CD, ainsi que des liqueurs. Ce commissaire rappelle que de tels objets sont interdits en prison. Certains commerçants et anciens usagers de la place appelée le Grenier du Burundi demandent l'autorisation de récupérer leurs marchandises. Depuis le matin de ce mercredi, les policiers avaient clôturé cette place d'à côté de l'ancien marché central de Bujumbura et personne n'était admise d'y accéder. Les commerçants disent être surpris puisque pour eux, l'ultimatum accordé pour déménager devrait expirer ce mercredi. Les détails avec Alain Désiré Wukenedz. Depuis le matin de ce mercredi, la police avait bouclé cette place. Les commerçants espéraient pouvoir récupérer leurs marchandises, d'autant plus que pour eux, l'ultimatum de quitter les lieux devrait expirer ce mercredi. Certaines commerçantes disent avoir déjà des stands au marché dit Kotebo, ce qui cloche pour eux est la difficulté de récupérer leurs marchandises. Depuis l'ultimatum, nous nous sommes précipités de chercher les stands au marché de Kotebo. Nous sommes surpris de voir les policiers nous interdire de récupérer nos marchandises alors que l'ultimatum devrait expirer ce mercredi. Nous voulons simplement récupérer nos marchandises. D'autres ne voient pas pour le moment où elles pourront s'installer, estimant que les stands sont limités au marché dit Kotebo. Nous ne sommes pas du tout récalcitrants face à une nouvelle décision, mais nous ne voyons pas où nous pouvons nous installer. Que les services habilités nous montrent les stands à occuper parce que les places sont limitées au marché de Kotebo. Nous ne savons pas à quel sens se vouer et nos enfants vont mourir de faim. Au moment où certains commerçants avaient déjà récupéré leurs marchandises ce mardi, d'autres demandent l'autorisation, surtout pour l'intérêt des marchés marchandises les plus périssables avant les dégâts. Nous ne voulons que récupérer nos marchandises. Certaines vont pourrir alors que nous et nos enfants mourrons de faim. Qu'ils nous laissent au moins les récupérer, même si nous allons les stocker chez nous. Certains les ont prises dans la soirée de ce mardi, alors que nous étions déjà rentrés. Le ministre de l'Intérieur avait sorti une ordonnance le 29 juin cette année par laquelle la place et le grenier du Burundi est fermée dans le but de redynamiser le marché d'Ongagara 2 dit Kotebo. Le maire de la ville de Bujumbura, quant à lui, avait accordé un délai à ses commerçants jusqu'à ce mercredi pour regagner le marché de Kotebo. Alain Désiré Boukénez, parlons maintenant environnement. Environ 10 hectares de la réserve naturelle forestière de Vianda en province Bururi, c'est au sud du Burundi, sont partis en fumée la nuit de ce dimanche. Melchior Munama, responsable de la protection de cette réserve naturelle, appelle les riverains à sa protection pour se prévenir des conséquences qui en découleront. Les détails avec Jean-Pierre Misago. La réserve naturelle forestière de Vianda, dans sa partie de Muzimu, a brûlé toute la nuit de ce dimanche à partir de 20h30 et a été éteinte ce lundi matin par les gardes forestiers appuyés par la population de la place. Cependant, près de 10 hectares de cette réserve avaient déjà été réduits en cendres, selon Melchior Munama de l'Office burundais pour la protection de l'environnement à Rumonge, chargé de la protection de cette réserve. Selon lui, à cette allure, dès juillet, il ne restera plus rien au mois de septembre et demande aux riverains de cette terre protégée de s'impliquer dans sa protection pour se prévenir du pire. En effet, selon Munama, dans le cas contraire, qu'ils s'attendent à la désertification de la localité et toutes ses conséquences sur leur mode de vie dominé par l'agriculture et l'élevage. Du côté de l'OBPE, mais si il n'y a plus de campement permanent des gardes forestiers, Melchior Munama fait savoir que 5 personnes parmi les destructeurs de cette réserve ont été appréhendées ces 3 derniers mois et logent actuellement dans les prisons centrales de Bururi et de Mbimba. Jean-Pierre Misago de Kirumonge, Radio Isanganiro. Je vous l'annonçais tantôt, plus de 40 millions de francs burundais, telle est la somme d'argent exigée par l'hôpital Kira à la famille d'un jeune garçon de 6 ans du nom de Jonathan Rukundo. Cet enfant, victime d'un incendie qui s'est produit dans la maison familiale à Bujumbura le 2 janvier de cette année en cours. La famille demande à tout bienfaiteur de lui apporter son aide car elle n'est pas capable de régler à elle seule la facture des soins de l'enfant qui nécessite par ailleurs d'autres interventions chirurgicales en dehors du Burundi. Francine Ndehokubgayo pour plus de détails. L'enfant a beaucoup progressé. Les médecins ont fait de leur mieux. Guillaume Rubelinhuari est le père de 4 enfants, dont Jonathan Rukundo, deuxième de la famille. Il est âgé de 6 ans. Ce papa rend grâce parce que le Tout-Puissant a gardé en vie son fils qui vient de passer 6 mois à l'hôpital Kira de Bujumbura. Jonathan a été gravement brûlé, surtout au niveau de la tête. Ce petit garçon a beaucoup de cicatrices qu'il est difficile de le reconnaître. Son père nous relate les faits de cet accident. Moi, je n'étais pas à la maison, j'étais déjà au bureau. Et puis, j'ai eu un coup de téléphone. On m'a dit que ma maison était en pleine flamme et que mon fils était grièvement brûlé. Et puis moi, je me suis précipité à retourner à la maison. Et puis, au retour, j'ai eu un coup de téléphone d'un voisin qui m'a dit que c'est lui qui a amené l'enfant qui sont aux urgences à l'hôpital Kira. Et à mon arrivée, c'est vraiment terrible parce que l'enfant a été calciné. C'était vraiment très difficile de le voir comme ça en face. Après, on l'a amené dans la salle d'opération et il a passé presque 8 heures de temps au bloc. Et c'était vraiment terrible quand on m'a appelé. Si on ne m'avait pas amené et me montré là où se trouve l'enfant, en tout cas, je ne pouvais pas le reconnaître parce qu'il était méconnaissable et il avait déjà gonflé, il était bandé partout, il était tout rouge. L'enfant a beaucoup progressé. Les médecins ont fait de leur mieux. Il y a eu beaucoup de progrès parce qu'on ne savait pas si un jour il pouvait encore une fois marcher, parler. Bien qu'il soit encore petit, Jonathan remercie Dieu de l'avoir protégé. Il aimerait aussi être entouré par sa famille ainsi que ses amis. Cela va faire maintenant 2 semaines que l'hôpital Kira leur a transmis la facture des soins de ce petit garçon pour qu'il puisse rentrer à la maison. Le montant s'élève à plus de 40 millions de francs burundais. Ce n'est pas tout. Le petit Jonathan a aussi besoin d'une chirurgie de reconstruction, comme l'indique le docteur Kanesio Savdiarimana, un des médecins qui l'ont suivi. Il y a lieu à se réjouir parce que on a passé le cap. Les premiers soins ont été un succès en ce qui concerne la réanimation et on a aussi effectué les soins, ce que je dirais le traitement local, où on a effectué des greffes multiples, que ce soit sur la tête et au visage ainsi que sur le thorax au niveau des mains, parce que c'était des brûlures très très très profondes. Actuellement, les plaies sont cicatrisées, mais les brûlures, comme vous le savez, entraînent beaucoup de séquelles, surtout des cicatrices hypertrophiques, comme vous l'avez constaté au visage et au thorax, et surtout au niveau de la main, avec ses doigts qui sont raides, encrochés, ce qui nous dit que l'enfant aura sûrement besoin d'autres soins que probablement nous n'aurons pas dans notre centre. Donc ça nécessite une chirurgie qu'on appelle esthétique, donc qui pourrait être fait dans un autre centre, par exemple à l'étranger. La famille étant dans l'incapacité de couvrir les soins du petit Jonathan, elle prie toute âme charitable de lui venir en aide. Eh bien, à toute âme charitable, le petit Jonathan Rukundo attend votre assistance. Point final donc à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Aimé Toussaint Mitewouti qui a assuré la mise en onde. Je dis également merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.